Et moi, ouais, t'as l'air, t'as l'air. Vas-y, vas-y, vas-y. Pas visiter les leçons à terre, frère. Bon, bon, bon, bon, bon. Comme si j'étais mon frère. Mais moi pas boulet. Gigi Clotet.